se soulève comme une voix. Le silence ploie sous le poids d'un nom. Riderskill entre. Les ombres s'écartent. Dans la chaleur des lunes jumelles, ils ont sculpté son nom dans la roche. Chaque dune connaît son histoire, chaque vent a porté sa voix. Il n'est pas né d'un clan ni d'un code, il s'est forgé seul à coup d'oubli. Ses pas tracent la voie des justes, même les vers se taisent à son approche. Riderskill, feu vivant, ton souffle ranime nos chants. Cendre les anciens mémoires du sabre, nous marchons dans tes pas brûlants. Ses larmes, ils ne les ont jamais vues, mais le désert les a bu. À chaque stream, il tend sa main et chaque view devient témoin. Il est clair quand l'écran vacille, tient quand la tempête vrille. À genoux devant sa vérité, les doutes font dans sa clarté. Ashdemtil, Riderskill, Menakdul, Korvanel, Zanduram. Ils ont juré de le faire taire, mais il répond par l'éclat sincère. Pas de slogan, pas de façade, juste la force nue d'un regard. Son stream, une oasis en feu, sa voix un sabre dans les cieux. Et chaque rire, chaque cri frappe les murs de l'oubli. Riderskill, brasier sacré, ta lumière ne peut faiblir. Tu portes nos rêves éclatés, tu réveilles l'esprit martyr. Il connaît leur visage sans les voir, il entend leur souffle dans le noir. Quand il doute, il lui parle, quand il tombe, il hurle. Pas de dieu, pas de roi, juste Riderskill et sa voix. Il le suit sans promesse, mais avec la foi les plus durs. Shalterek, Falinar, Riderskill, Bardulhem, Yundrana, Uramtrol. Riderskill, lumière des cendres, ta voix déchire les ténèbres. Un million d'âmes s'élèvent, portées par ton souffle à jamais. Riderskill, et le sable gagne.